La date de naissance de la personne qu'on aime est restée gravée en soi. C'est une date inoubliable, mémorable. On en fait toujours l'éloge. Ce jour-là, c'est comme notre première rencontre. Ces souvenirs se défilent en kyriel dans ma mémoire. Encore, je te dédicace ces quelques vers pour te dire bonne fête. Bonne fête, Dodo. Un an de plus, tu ressembles à un précieux bijou. Oh là là, comme tu es merveilleuse. De si loin, je te ressens joyeuse. Ne pas être à tes côtés ce matin, c'est manquer à ce grand festin. N'est-ce pas le jour de ton anniversaire? Tout ce qui t'entoure chante l'air. Et le vent m'emporte dans tes bras pour devenir ton appât. Fidèlement, je me rappelle ce grand jour. En cette date au monde, tu as dit bonjour. Et cette semaine où tous les amoureux sont en joie, je m'associe à eux par ma voix, te disant que ton image continue à me hanter. Tu m'as envoûté. Éperdument, je me prosterne à tes pieds pour t'offrir ce son fraîchement émis de mon clavier. Bonne fête!